À 13 kilomètres d'un village de bûcherons au cœur du massif des Rhodopes, en Bulgarie. 1453-1494. Anna. Ils vivent dans la maisonnette qu'a bâtie le grand-père du garçon. Des murs et une cheminée en pierre, un rondin écorcé en guise de poutre maîtresse, un toit de chaume peuplé de souris. Le crottin, la paille et les débris de nourriture qui s'amalgament au sol depuis 14 ans forment une espèce de ciment. Aucune image ne décore l'intérieur, et la mère et la fille ne portent que des parures très simples. Un anneau en fer, une agate suspendue à un cordon. La vaisselle est sobre et solide, les pièces de cuir ne sont pas tannées. Les choses comme les personnes semblent avoir pour objectif majeur de durer aussi longtemps que possible, et tout ce qui ne résiste pas au temps est dénué de valeur. Quelques jours après l'arrivée d'Homer et d'Anna, la mère se rend au bord du ruisseau pour déterrer une bourse garnie de pièces. Le garçon prend alors la route de la rivière et revient 4 jours plus tard avec un bouvillon et un âne éreinté. Avec l'aide du bœuf, il parvient à labourer les champs envahis d'herbes qui s'étagent au-dessus de la maison et il y plante de l'orge de printemps. La mère et la sœur ont autant de considération pour Anna qu'elles en auraient pour une cruche fêlée. En effet, à quoi peut-elle bien leur servir durant les premiers mois? Elle ne comprend même pas les instructions les plus élémentaires et se révèle incapable de traire la chèvre sans qu'elle bouge, de soigner les volailles, de fabriquer des fromages, de recueillir le miel dans les ruches, de botteler le foin et d'arroser correctement les cultures. La plupart du temps, elle a l'impression d'être un nourrisson malgré ses 13 ans, et de ne savoir accomplir que les tâches les plus rudimentaires. Mais il faut voir comment se comporte le garçon. Il partage ses repas avec elle, lui parle tout bas dans sa drôle de langue. Crisée aurait pu dire de lui qu'il a la patience de Job et la douceur d'un faon. Il lui enseigne la façon de repérer les pucerons sur les plants d'orge, de vider les truites avant de les fumer, de remplir le chaudron au ruisseau sans entraîner les sédiments avec l'eau. Parfois, elle le trouve seul dans l'étable en bois, à promener les doigts sur de vieux pièges et filets à oiseaux, ou dans un champ en surplomb de la rivière, 3 grosses pierres blanches à ses pieds, une expression abattue sur le visage. Si elle est devenue une possession du garçon, il ne la traite jamais comme telle. Il lui apprend à dire lait, eau, feu, chien. La nuit, il dort auprès d'elle, mais ne la touche jamais. Elle porte des sabots de bois bien trop grands qui ont appartenu au grand-père. La mère l'aide à fabriquer une robe neuve avec de la laine filée à la maison. Les feuilles jaunissent, la lune s'arrondit puis décroît à nouveau. Un matin où les arbres scintillent sous le givre, la sœur et la mère du garçon, enveloppées de leur cape, chargent des pots de miel sur le dos de l'âne et partent vers l'amont de la rivière. Dès qu'elles ont disparu au tournant de la route, il fait venir Anna dans l'étable. Là, il emballe plusieurs rayons de miel dans un linge fin et les met à bouillir. Dès que la cire est clarifiée, il retire les blocs de l'eau et les malaxe pour obtenir une pâte. Puis il étend sur la table en bois brut un morceau de cuir de bœuf qu'ils enduisent de cire d'abeille. Lorsqu'elle a bien imprégné les fibres, il roule la peau, la cale sous son bras et entraîne Anna sur une sente vaguement frayée au bout du ravin, en direction de l'if sur la butte. À la lumière du jour, l'arbre est magnifique. D'innombrables nœuds dessinent sur le tronc un enchevêtrement d'arabesques. Une profusion de branches basses colorées de baies vermeilles ondulent jusqu'au sol comme des serpents. Le garçon escalade l'arbre, se faufile dans le creux et en ressort avec le sac d'Imerius. Ensemble, ils examinent le capuchon de soie, la boîte à opium et le livre, s'assurant qu'ils n'ont pas souffert de l'humidité. Le garçon déroule alors la pièce de cuir ciré pour y ranger la boîte et le livre protégé par le capuchon, puis il noue une cordelette autour. Il replace le tout dans le creux du tronc et Anna comprend que ce sera leur secret, car le manuscrit, à l'image du faciès du garçon, susciterait peur et méfiance. Elle se rappelle qu'à la patesse, les 2 gouffres ardents de ses yeux, sa fureur et sa jubilation pendant qu'il tournait vers le foyer le visage de Maria inconsciente et réduisait en cendres les cahiers de Licinius. Elle apprend à dire maison, froid, pain, chaudron, bol, main. Et aussi taupe, souris, loutre, cheval, lièvre, faim. À l'époque des semailles de printemps, elle est déjà capable de saisir les nuances. Ne pas se prendre pour rien signifie être un vantard. et se mettre dans de vilains draps, c'est s'attirer des ennuis. Le garçon emploie une gamme infinie d'expressions pour expliquer ce que l'on ressent sous la pluie. La plupart évoquent la tristesse, mais pas toutes. Il y en a même une qui sonne comme joie. Au début du printemps, alors qu'elle vient de puiser de l'eau au ruisseau, elle croise le garçon assis sur un rocher, et il l'invite à s'asseoir en tapotant sa place. Elle dépose sa palanche pour s'installer près de lui. « Parfois, lui dit-il, quand il me vient l'envie de travailler, je reste assis en attendant que ça passe. » Son regard capte celui d'Anna. Elle se rend compte qu'elle a saisi la boutade, et ils éclatent de rire tous les deux. La neige fond, les sureaux se couvrent de fleurs, les brebis mettent bas, un couple de pigeons ramiers niche dans la chaume du toit. Nida et sa mère vendent sur le marché du village des melons, du miel et des pignons de pin, et à la fin de l'été, elles ont réuni assez d'argent pour acheter un deuxième bœuf qui sera attelé avec l'autre. Bientôt, Omer commence à transporter dans son chariot les troncs abattus dans les forêts de montagne, qu'il va vendre aux scieries situées en aval de la rivière. L'automne venu, Nida épouse un bûcheron qui habite un village à 30 km de chez eux. Au cours du deuxième hiver qu'Anna passe dans le ravin, la mère du garçon, souffrant de la solitude, se met à lui raconter des choses, doucement au début, puis dans une avalanche de paroles. Les secrets de l'apiculture, ses souvenirs du grand-père et du père d'Omer, et enfin sa vie dans le village voisin, avant la naissance de son fils. Alors que le temps se réchauffe, elles s'asseyent ensemble au bord de l'eau pour regarder Omer guider ses bœufs maigres et rétifs, usant de ce ton prévenant qu'il réserve au bétail. Et la mère dit à Anna qu'il porte sa douceur en lui comme une flamme. Lorsqu'ils se promènent tous les deux sous les arbres, profitant du soleil, le garçon lui rapporte les histoires farfelues que contait son grand-père. La laine d'un cerf pouvait tuer les serpents, le fiel d'un aigle mélangé à du miel rendait la vue aux aveugles. Et Anna constate que l'étroit ravin dominé par les lourdes montagnes ne lui paraît plus aussi abrupt, aussi lugubre et aussi barbare qu'au début. Qu'à chaque saison, il révèle un éclat de beauté inattendu qui lui met les larmes aux yeux et fait bondir son cœur. Elle en vient à penser qu'elle a peut-être atteint ce monde meilleur dont elle imaginait toujours la présence au-delà des murailles de la cité. Avec le temps, elle ne remarque même plus le défaut d'Omer. Il est simplement là, au même titre que les boues du printemps, les moustiques de l'été ou les neiges de l'hiver. Elle donne naissance à 6 fils et en perd 3. Et Omer inhume leurs enfants décédés dans la clairière au-dessus de la rivière, là où sont enterrés ses sœurs et son grand-père, marquant chaque sépulture d'une pierre blanche qu'il va chercher dans les hauteurs en un lieu connu de lui seul. La maison est pleine à craquer. Anna se débrouille pour fabriquer de quoi vêtir ses garçons, et quand elle y ajoute quelques broderies maladroites, fleurs ou feuilles de vigne, elle sourit à l'idée que Maria trouverait son ouvrage bien grossier. Omer finit par conduire leur mère, juchée sur le dos de l'âne, dans la famille de Nida, si bien qu'ils se retrouvent seuls tous les 5 au fond du ravin, près de l'entrée de la grotte. Quelquefois, un rêve la ramène à l'atelier de broderie, où elle retrouve Maria et les autres femmes penchées sur leur métier, et maniant leur aiguille, forme spectrale et si inconsistante que ses doigts les traversent quand elle veut les toucher. De temps en temps, un éclair de douleur fuse à l'arrière de son crâne, et elle se demande alors si le mal qui a emporté Maria l'affectera aussi. Mais à d'autres moments, ses pensées s'éloignent d'elle, les visages de celles qui l'ont élevée s'effacent de sa mémoire, et il lui semble que son existence auprès d'Omer est la seule qu'elle ait jamais connue. C'est le 25e hiver de la vie d'Anna et, à la fin d'une nuit si glaciale que l'eau a gelé dans le chaudron, le plus jeune de ses fils déclare une fièvre. Ses yeux ressemblent à 2 braises, ses vêtements sont trempés de sueur. Assise sur la pile de tapis qui leur sert de couche, elle prend dans son giron la tête du petit malade et lui caresse les cheveux pendant qu'Omer arpente la pièce, contractant et ouvrant les poings tour à tour. N'y tenant plus, il verse de l'huile dans la lampe et l'allume avant de sortir de la maison. Il rentre couvert de neige et tire de sous son manteau le paquet emballé dans la pièce de cuir ciré, qu'il présente à Anna d'un geste extrêmement solennel. Elle devine alors ce qu'il pense. Le livre peut sauver leur enfant comme il les a sauvés au cours de leur périple, plus de 10 ans auparavant. On entend la rumeur des pins au dehors. Le vent qui s'engouffre dans la cheminée leur envoie des flocons de neige tout en dispersant les cendres du foyer, et les 2 aînés se blottissent contre elle, éblouis par le rayon de la lampe et par cet étrange ballot que leur père semble avoir sorti de nulle part. L'âne et la chèvre se serrent auprès d'eux tandis que, derrière la porte, l'univers entier bouillonne et mugit. La pièce de cuir a été efficace. Ce qu'elle abrite est resté bien sec. L'un des garçons étudie la boîte à opium. Son frère fait courir ses doigts sur la capuche de Samit, suivant les contours des oiseaux achevés ou simplement esquissés. Et Homer tient la lampe au-dessus d'Anna alors qu'elle ouvre le livre. Il y a des années qu'elle a perdu l'habitude de lire le grec ancien. Cependant, la mémoire est une chose curieuse. Et Anna, mue par l'inquiétude que lui cause son Benjamin, ou influencée par l'enthousiasme des deux plus grands, n'a qu'à poser les yeux sur les caractères bien tracés, légèrement inclinés vers la gauche, pour que le sens des mots lui revienne à l'esprit. A égale alpha, B égale bêta, O égale oméga. Astéa signifie cité, non veut dire esprit, egno veut dire appris. Lentement, un mot après l'autre, elle commence à traduire dans la langue de sa deuxième vie. Moi, que l'on traite de bécasse et d'écervelée, Aéton le benet et la tête de linotte, j'ai voyagé autrefois jusqu'aux confins de la terre et au-delà. Elle puise dans ses souvenirs autant qu'elle cède du manuscrit, et là, à l'intérieur de la petite maison en pierre, quelque chose se produit. L'enfant malade qui repose dans son giron, le front luisant de sueur, soulève les paupières. Lorsqu'Aéton est changé en âne contre son gré, et que les deux autres garçons éclatent de rire, un sourire lui vient aux lèvres. Au moment où il atteint les confins glacés du monde, l'enfant se ronge les ongles. Et quand Aéton parvient enfin aux portes de la cité dans les nuages, ses yeux s'emplissent de larmes. La lampe crachote, son huile quasiment épuisée, et les trois frères insistent pour que leur mère poursuive le récit. « S'il te plaît, » la presse-t-il, leurs prunelles étincelant dans la lumière. « Raconte-nous ce qu'il a trouvé dans le livre magique de la déesse. » Quand il a regardé dans le livre, il a vu les cieux et la terre avec toutes ces contrées éparpillées autour de l'océan, toutes les bêtes et tous les oiseaux qui y vivent. Les villes étaient pleines de jardins et de lanternes, il entendait des échos de chansons et de musique, et dans l'une des villes, il a vu une scène de noces où des filles aux robes splendides et des garçons avec des épées dorées à leurs ceintures d'argent sautaient dans des cerceaux et marchaient sur les mains, cabriolaient et virevoltaient en cadence. Mais à la page suivante, il a vu des cités ténébreuses ravagées par les flammes. Les hommes étaient massacrés dans leurs champs, les femmes enchaînées et réduites en esclavage, leurs enfants projetés par-dessus les murailles sur des pieux aiguisés. Il a vu des chiens dévorant des cadavres, et en collant l'oreille contre le livre, il a même entendu des lamentations. Et à force de regarder l'endroit et l'envers de la page, il a compris que toutes les villes, les radieuses comme les ténébreuses, n'en formaient qu'une seule. Que la paix est inséparable de la guerre et la vie de la mort. Et alors, il a pris peur. La lampe s'éteint, une plainte descend par la cheminée. Les enfants se rapprochent encore. Homer remballe le livre tandis qu'Anna, étreignant leur dernier nez contre son sein, se met à rêver d'une lumière pure et resplendissante touchant les pâles murailles de la cité. Lorsqu'il s'éveille, tard dans la matinée, la fièvre de l'enfant est tombée. Les années suivantes, il suffit qu'un des enfants attrape un rhume ou que les trois frères insistent un peu lourdement, toujours à la nuit close, quand il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, pour qu'Homer consulte Anna du regard et que celle-ci lui donne son accord tacite. Chaque fois, il allume la lampe et disparaît un moment avant de revenir avec le ballot. C'est Anna qui ouvre le livre, et les garçons se rassemblent autour d'elle sur les tapis empilés. « Maman, réclame-t-il, raconte-nous encore l'histoire du magicien dans le ventre de la baleine, et celle du peuple de cygnes qui habite au milieu des étoiles, et celle de la déesse géante et du livre qui contient tout. » Les enfants miment certaines séquences. Ils posent toujours de nouvelles questions et semblent savoir d'instinct que le livre enveloppé de soie et protégé par la pièce de cuir possède une valeur mystérieuse, qu'il s'agit d'un secret à la fois bénéfique et dangereux. Chaque fois qu'Anna reprend le manuscrit, de nouveaux fragments du texte sont devenus indéchiffrables, et elle se remémore alors le grand scribe italien dans son atelier éclairé à la bougie. Le temps, le plus brutal de tous les engins de guerre. Après la mort du plus vieux de leurs bœufs, Homer ramène un jeune veau à la maison. Les fils d'Anna deviennent plus grands qu'elle et s'en vont travailler dans la montagne, acheminant le bois abattu vers les scieries des environs d'Edirne. Elle perd le fil des années, certains de ses souvenirs s'effacent. Sans prévenir, alors qu'Anna transporte de l'eau, recoue une plaie sur la jambe d'Homer ou enlève l'époux de ses cheveux, le temps se replie sur lui-même et elle revoit les mains d'Imerius sur les rames, ou retrouve la sensation vertigineuse de l'attraction terrestre quand elle redescendait du mur du prieuré. Vers la fin de sa vie, ces souvenirs-là se mélangent à ceux des histoires qu'elle a le plus aimées. Ulysse malade de nostalgie qui abandonne son radeau dans la tempête pour nager vers l'île des Phéaciens, Aéton devenu âne en fournant des orties piquantes dans sa bouche délicate, et pour finir, toutes les époques et toutes les histoires n'en font plus qu'une. Elle s'éteint au mois de mai, à l'âge de 54 ans, entourée de ses trois fils. C'est la plus belle journée de l'année. Elle s'appuie contre une souche près de l'étable, et le ciel au-dessus de sa tête est d'un bleu si profond que sa vue lui fait grincer les dents. Son mari l'enterre dans la clairière, entre le grand-père et les enfants qu'ils ont perdus. Il pose sur sa poitrine le capuchon brodé de sa sœur et marque la sépulture d'une pierre blanche.